Peux tout faire, même danser aerobic avec Phil Barnet et Blackstar Music. Je n'ai qu'un besoin, je n'ai qu'une envie, c'est de faire écouter ma musique à tout Paris. Bientôt, tous les jours, je serai par le virus. Le Funk Machine, je vous en demanderai plus. Le mardi, le jeudi, de 17 à 19. Vous voyez, c'est pas vieux, je dirais même c'est tout neuf. Tous les imports que vous entendrez, pour la plupart, sont d'exclusivité. Vous voulez savoir où on les trouve à Paris? C'est vraiment tout simple, c'est mini club de nuit. De la Funk Musique, c'est l'As des As. C'est 42 boulevard du Montparnasse. Restez avec moi, ça va commencer sur Carbone 14. Et vous allez craquer. Poussez donc les meufs, la musique à fond la caisse. Il va falloir bouger un peu les fesses. Salut les salauds. Salut à tous, c'est Bernet. Let's start, do it again now. Salut les salauds. Really funky show. Où do it. Salut les salauds. Blackstar Music on the top. Salut à tous, we're gonna have a good time now. Do it. Je vais vous raconter. Let me hear you say now. Mon aventure de nuit d'été. Rendez-vous manqué. Histoire banale, pas compliquée. Occupé. Le bon début pour une télévision branchée, programme des vies pour allumer. Cendrier vidé, toutes tes beautés sans manger, le crassiné, tout est prêt, il peut arriver. Vous avez reconnu mon générique, c'est bien sûr Salut les salauds, signe groupe Interview, remixé par mon ami Bernie de l'Elysée Matignon, qui est un grand DJ à qui je fais une grosse bise, j'espère que tu m'écoutes Bernie. Have a good time now, listen, Phil Barney Show, tenez.